Sur mon joint si tu tousses. Hey, hey. Bébé va te refaire les fesses, pas le temps pour faire du squat. Elle a tellement mouillé quand j'ai les doigts et que j'en ai les mains moi. Zifu Koro des Corombo, quand il faut ton matis à l'icolo. Donc avec